Chapitre 20 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1. Chapitre 20 De la force de l'imagination. Fortis imaginatio generat casum. Disent les clercs. Je suis de ceux qui sentent très grand effort de l'imagination. Chacun en est heurté, mais aucun en sont renversés. Son impression me perce, et mon art est de lui échapper, par faute de force à lui résister. Je vivrai de la seule assistance de personnes saines et gaies. La vue des angoisses d'autrui m'angoisse matériellement. Et a mon sentiment souvent usurpé le sentiment d'un tiers. Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier. Je visite plus mal volontiers les malades auxquels le devoir m'intéresse que ceux auxquels je m'attends moins et que je considère moins. Je saisis le mal que j'étudie et le couche en moi. Je ne trouve pas étrange qu'elle donne et les fièvres et la mort à ceux qui la laissent faire et qui lui applaudissent. Simon Thomas était un grand médecin de son temps. Il me souvient que me rencontrant un jour à Toulouse chez un riche vieillard pulmonique et traitant avec lui des moyens de sa guérison, il lui dit que c'en était l'un de me donner occasion de me plaire en sa compagnie et que fichant ses yeux sur la fraîcheur de mon visage et sa pensée sur cette allégresse et vigueur qui regorgeait de mon adolescence, et remplissant tous les sens de cet état fleurissant en quoi j'étais. Son habitude s'en pourrait amender, mais il oubliait à dire que la mienne s'en pourrait empirer aussi. Gallus Vibius banda si bien son âme à comprendre les sens et les mouvements de la folie qu'il emporta son jugement hors de son siège, siconque puis il ne l'y peut mettre. Et se pouvait vanter d'être devenue folle par sagesse. Il y en a qui, de frayeur, anticipent la main du bourreau, et celui qu'on débandait, pour lui dire sa grâce, se trouverait de mort sur l'échafaud du seul coup de son imagination. Nous tressions, nous tremblons, nous pâlissons, et rougissons aux secousses de nos imaginations, et renversés dans la plume, sentons notre corps agité à leur branle. Quelquefois jusque à en expirer. Et la jeunesse bouillante s'échauffe si avant en son harnais, tout endormie, qu'elle assouvit en songe ses amoureux désirs. Ut quasi transactis saepe omnibus rebus profundant flumines ingentes fluctus, vestremque curuentent. Et encore qu'il ne soit pas nouveau de voir croître la nuit des cornes à telle, qui ne les avait pas en se couchant. Toutefois, l'événement de Scipus, roi d'Italie, est mémorable, lequel, pour avoir assisté le jour avec grande affection au combat des taureaux et avoir eu en songe toute la nuit des cornes en la tête, les produisit en son front par la force de l'imagination. La passion donna au fils de Crésus la voix que nature lui avait refusée, et Antiochus, pris de la fièvre, par la beauté de Stratonicée, trop vivement empreinte en son âme. Pline dit avoir vu Lucius Cossetius, de femme changée en homme, le jour de ses noces. Pontanus et d'autres racontent pareille métamorphose advenue en Italie ces siècles passés, et par véhément désir de lui et de sa mère. Vota puera soluit, quae femina. Passant à Vitry, le François, je peux voir un homme que l'évêque de Soissons avait nommé Germain en confirmation, lequel tous les habitants de là ont connu et vu fille, jusqu'à l'âge de 22 ans, nommé Marie. Il était à cette heure-là fort barbu et vieille et point marié. Faisant, dit-il, quelque effort en sautant, ses membres virils se produisirent. Et est encore en usage entre filles de là une chanson par laquelle elles s'entr'advertissent de ne faire point de grande enjambée, de peur de devenir un garçon, comme Marie-Germain. Ce n'est pas donc de merveille que cette sorte d'accident se rencontre fréquent, car si l'imagination peut en telle chose, elle est si continuellement et si vigoureusement attachée à ce sujet, que pour en avoir si souvent à rechoir en même pensée et à âpreté de désir, elle a meilleur compte d'incorporer, une fois pour toutes, cette virile partie aux filles. Les uns attribuent à la force de l'imagination les cicatrices du roi de Gobert et de Saint-François. On dit que les corps s'en enlèvent telle fois de leur place. Et Celsus récite d'un prêtre qui ravissait son âme en telle extase que le corps en demeurait long espace sans respiration et sans sentiment. Saint-Augustin en nomme un autre, à qui il ne fallait que faire rouir des cris lamentables et plaintifs. Soudain il défaillait et s'emportait si vivement hors de soi qu'on avait beau le tempester et hurler et le pincer et le griller jusqu'à ce qu'il fût ressuscité. Lors, il disait avoir ouï des voix, mais comme venant de loin, et s'apercevait de ses échaudures et meurtrissures. Et que ce ne fût une obstination à poser contre son sentiment, cela le montrait, qu'il n'avait cependant ni pouls ni haleine. Il est vraisemblable que le principal crédit des visions, des enchantements et de tels effets extraordinaires vienne de la puissance de l'imagination, agissant principalement contre les âmes du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la créance qu'ils pensent voir ce qu'ils ne voient pas. Je suis encore en ce doute que ces plaintes liaisons de quoi notre monde se voit si entravé qu'ils ne se parlent d'autre chose. Ce sont volontiers des impressions de l'appréhension et de la crainte, car je sais par expérience que tel de qui je puis répondre, comme de moi-même, en qui il ne pouvait choir soupçon aucun de faiblesse, et aussi peu d'enchantement, ayant ouï faire le compte à un sien compagnon d'une défaillance extraordinaire, en quoi il était tombé sur le point qu'il en avait de moins de besoin, se trouvant en pareille occasion, l'horreur de ce compte lui vint à coup si rudement frapper l'imagination qu'il en courut une fortune pareille. Et de là, en hors, fut sujet à y renchoir. Ce vilain souvenir de son inconvénient le gourmandant et tyrannisant. Il trouva quelque remède à cette rêverie, par une autre rêverie. C'est qu'avouant lui-même et prêchant avant la main, cette sienne subjection, la contention de son âme se soulageait. Sur ce, qu'apportant ce mal comme attendu, son obligation en amoindrissait, et lui en pesait moins. Quand il en eut loin, à son choix, sa pensée débrouillée et débandée, son corps se trouvant en son dû, de le faire lors premièrement tenter, saisir et surprendre à la connaissance d'autrui, il s'est guéri tout net. À qui on a été une fois coupable, on n'est plus incapable, sinon par juste faiblesse. Ce malheur n'est à craindre qu'aux entreprises, où notre âme se trouve outre mesure tendue de désir et de respect, et notamment où les commodités se rencontrent imprévues et pressantes. On n'a pas moyen de se ravoir de ce trouble. J'en sais, à qui il a servi d'y apporter le corps même, demi rassasié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur de cette fureur, et qui, par l'âge, se trouve moins impuissant, de ce qu'il est moins puissant. En tel autre, à qui il a servi aussi qu'un ami il est assuré, d'être fourni d'une contre-batterie d'enchantement certain à le préserver. Il vaut mieux que je dis comment ce fut. Un comte de très bon lieu, de qui j'étais fort privé, se mariait avec une belle dame, qui avait été poursuivie de telle qui assistait à la fête, mettait en grande peine ses amis, et nommément une vieille dame parente, qui présidait à ses noces, et les faisait chez elle, craintive de ses sorcelleries. Ce qu'elle me fit entendre. Je la priai sans reposer sur moi. J'avais de fortune en mes coffres, certaines petites pièces d'or plate, où étaient gravées quelques figures célestes, contre le cou du soleil, et pour ôter la douleur de tête, la logeant à point sous la couture du test. Et pour l'y tenir, elle était cousue à un ruban propre à rattacher sous le menton. Rêverie germaine à celle de quoi nous parlons. Jacques Pelletier, vivant chez moi, m'avait fait ce présent singulier. J'advisai d'en tirer quelque usage, et dis au comte qu'il pourrait courre fortune comme les autres, y ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter une. Mais que hardiment il s'allait coucher, que je lui ferais un tour d'amis, et n'épargnerais à son besoin un miracle qui était en ma puissance, pourvu que sur son honneur il me promît de le tenir très fidèlement secret. Seulement comme sur la nuit on irait lui porter le réveillon, s'il lui était mal allé, il me fit un tel signe. Il avait eu l'âme et les oreilles si battues qu'il se trouva lié de troubles de son imagination, et me fit son signe à l'heure susdite. Je lui dis l'heure à l'oreille qu'il se leva, sous couleur de nous chasser, et prit en se jouant la robe de nuit que j'avais sur moi. Nous étions de taille fort voisine, et s'en vêtit, tant qu'il aurait exécuté mon ordonnance, qui fut, quand nous serions sortis, qu'il se retira à tomber de l'eau. Dit trois fois telle parole, et fit tel mouvement, qu'à chacune de ces trois fois, il saignait le ruban que je lui mettais en main, et coucha bien soigneusement la médaille qui était attachée sur ses rognons. La figure en telle posture. Cela fait, ayant à la dernière fois bien étreint ce ruban, pour qu'il ne se pût ni dénouer, ni mouvoir de sa place, qu'en toute assurance il s'en retourna à son préfet, et n'oublia de rejeter ma robe sur son lit, en manière qu'elle les abria tous deux. Ces singeries sont le principal de l'effet. Notre pensée ne se pouvant démêler, que moyens si étranges ne viennent de quelque abstruse science. Leur inanité leur donne poids et révérence. Somme, il fut certain que mes caractères se trouvent plus vénériens que solaires, plus en action qu'en prohibition. Ce fut une humeur prompte et curieuse qui me convient à tel effet, éloignée de ma nature. Je suis ennemi des actions subtiles et feintes, et hais la finesse. En mes mains, non seulement récréative, mais aussi profitable. Si l'action n'est vicieuse, la route l'est. Amasis, roi d'Égypte, épousa Laodis, très belle fille grecque. Et lui, qui se montrait gentil compagnon partout ailleurs, se trouva court à jouir d'elle. Et il menaça de la tuer, estimant que ce fut quelque sorcellerie. Comme les choses qui consistent en fantaisie, elle le rejeta à la dévotion, et ayant fait ses vœux et promesses à Vénus, il se trouva divinement remis, dès la première nuit, d'après ses oblations et sacrifices. Or elles ont tort de nous recueillir de ces contenances mineuses, querelleuses et fuyardes, qui nous éteignent en nous allumant. La bru de Pythagoras disait que la femme qui se couche avec un homme doit avec sa cote laisser quand et quand la honte, et la reprendre avec sa cote. L'âme de l'assaillant, troublée de plusieurs diverses alarmes, se perd aisément, et à qui l'imagination a fait une fois souffrir cette honte, et elle ne l'a fait souffrir qu'aux premières accointances, d'autant qu'elles sont plus ardentes et âpres, et aussi quand cette première connaissance qu'on donne de soi, on craint beaucoup plus de faillir. Ayant mal commencé, il entre en fièvre et dépit de cet accident, qui lui dure aux occasions suivantes. Les mariés, le temps étant tout leur, ne doivent ni presser ni tâter leur entreprise, s'ils ne sont prêts. Et vaut mieux faillir indécemment à étreindre la couche nuptiale, pleine d'agitation et de fièvre, attendant une et une autre commodité plus privée et moins alarmée, que de tomber en une perpétuelle misère, pour s'être étonné et désespéré du premier refus. Avant la possession prise, le patient se doit assailli et divertant, légèrement essayer et offrir, sans se piquer et opiniâtrer, à se convaincre définitivement soi-même. Ceux qui savent leurs membres de nature docile, qu'ils se soignent seulement de contre-piper leur fantaisie. On a raison de remarquer l'indocile liberté de ce membre, s'ingérant si importunément lorsque nous n'avons que faire, et défaillant si importunément lorsque nous en avons le plus à faire, et contestant de l'autorité, si impérieusement, avec notre volonté, refusant avec tant de fierté et d'obstination nos sollicitations, et mentales et manuelles, si toutefois, en ce qu'on gourmande de sa rébellion, et qu'on en tire preuve de sa condamnation, il m'avait payé pour plaider sa cause. À l'aventure mettrai-je en suspicion nos autres membres, ses compagnons, de lui être allés dresser par belle envie. De l'importance et douceur de son usage, cette querelle apostée, et avoir par complot armé le monde à l'encontre de lui, le chargeant malignement seul de leur faute commune. Car je vous donne à penser, s'il y a une seule des parties de notre corps qui ne refuse à notre volonté souvent son opération, et qui souvent ne s'exerce contre notre volonté, elles ont chacune des passions propres, qui les éveillent et endorment, sans notre congé. À quand de fois témoignent les mouvements forcés de notre visage, les pensées que nous tenions secrètes et nous trahissent aux assistants? Cette même cause qui anime ce membre anime aussi sans notre su le cœur, le poumon et le pouls. La vue d'un objet agréable répandant imperceptiblement en nous la flamme d'une émotion fiévreuse. N'y a-t-il que ces muscles et ces veines qui s'élèvent et se couchent sans l'aveu non seulement de notre volonté, mais aussi de notre pensée? Ne commandons-nous pas à nos cheveux de se hérisser, et à notre peau de frémir de désir ou de crainte? La main se porte souvent où nous ne l'envoyons pas. La langue se transit et la voix se fige à son heure. Lors même que nous n'ayons de quoi faire, nous le lui défendrions volontiers, l'appétit de manger et de boire ne laisse pas d'émouvoir les parties qui lui sont sujettes, ni plus ni moins que cet autre appétit, et nous abandonne de même, hors de propos, quand bon lui semble. Les outils qui servent à décharger le ventre ont leur propre dilation et compression, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger les rognons. Est-ce que, pour autoriser la puissance de notre volonté, saint Augustin allègue avoir vu quelqu'un qui commandait à son derrière autant de pètes qu'il en voulait, et que vive, enchéri d'un autre exemple de son temps, de pètes organisées, suivant le ton des voix qu'on leur prononçait, ne suppose non plus pure l'obéissance de ce membre? Car en est-il ordinairement de plus indiscret et tumultuaire? Joint que je n'en connais un si turbulent et revêche qu'il y a 40 ans, qu'il tient son maître à péter d'une haleine et d'une obligation constante et irrémitante, et le mène ainsi à la mort. Et plût à Dieu que je ne le suce que par les histoires. Combien de fois notre ventre, par le refus d'un seul pet, nous mène jusqu'aux portes d'une mort très angoisseuse, et que l'empereur qui nous donna liberté de péter partout nous en eût donné le pouvoir. Mais notre volonté, pour les droits de qui nous mettons en avant ce reproche, combien de plus vraisemblable la pouvons-nous marquer de rébellion et de sédition, par son dérèglement et désobéissance? Veut-elle toujours ce que nous voudrions qu'elle voulût? Ne veut-elle pas souvent ce que nous lui prohibons de vouloir, et à notre évident dommage, se laisse-t-elle non plus mener aux conclusions de notre raison? Enfin, je dirais pour monsieur ma partie que plaise à considérer qu'en ce fait sa cause, étant inséparablement conjointe à un consort et indistinctement, on ne m'adresse pourtant qu'à lui, et par des arguments et charges qui ne peuvent appartenir à son dit consort. Car l'effet dit celui est bien de convier inopportunément, parfois, mais refusé jamais, et de convier encore tacitement et quiètement. Partant se voit l'animosité et l'illégalité manifeste des accusateurs. Quoi qu'il en soit, protestant que les avocats et juges ont beau quereller et sentencier, nature tirera cependant son train, qui n'aurait fait que raison quand elle aurait doué ce membre de quelque particulier privilège. Auteur du seul ouvrage immortel des mortels, ouvrage divin selon Socrate, et amour, désir d'immortalité, et démon immortel lui-même. Tel à l'aventure, par cet effet de l'imagination, laisse ici les écrouelles que son compagnon porte en Espagne. Voilà pourquoi, en telle chose, on l'a accoutumé de demander une âme préparée. Pourquoi pratiquent les médecins, avant main, la créance de leurs patients, avec tant de fausses promesses de sa guérison, si ce n'est afin que l'effet de l'imagination supplée l'imposture de leur aposème? Ils savent qu'un des maîtres de ce métier leur a laissé par écrit qu'il s'est trouvé des hommes à qui la seule vue de la médecine faisait l'opération. Et tout ce caprice m'est tombé présentement en main sur le compte que me faisait un domestique apothicaire de feu mon père, homme simple et souise, nation peu vaine et mensongère, d'avoir connu longtemps un marchand à Toulouse maladif et sujet à la pierre, qui avait souvent besoin de clistères, et se les faisait diversement ordonner aux médecins, selon l'occurrence de son mal. Apportés qu'ils étaient, il n'y avait rien, hormis des formes accoutumées. Souvent, ils taisaient s'ils étaient trop chauds. Le voilà couché, renversé, et toutes les approches faites, sauf qu'il ne s'y faisait aucune injection. L'apothicaire retirait après cette cérémonie, le patient accommodé, comme s'il avait véritablement pris le clistère, il s'en sentait pareil effet à ceux qui les prennent. Et si le médecin n'en trouvait l'opération suffisante, il lui en redonnait deux ou trois autres, de même forme. Mon témoin jure que pour épargner la dépense, car il les payait comme s'il les eût reçus, la femme de ce malade, ayant quelquefois essayé d'y faire seulement mettre de l'eau tiède, l'effet en découvrit la fourbe, et pour avoir trouvé cela inutile, qu'il fallut revenir à la première façon. Une femme pensant avoir avalé une épingle avec son pain, criait et se tourmentait comme ayant une douleur insupportable au gosier, où elle pensait la sentir arrêtée. Mais parce qu'il n'y avait ni enflure ni altération par le dehors, un habile homme, ayant jugé que ce n'était que fantaisie et opinion, prise de quelques morceaux de pain qu'il avait piqué en passant, la fit vomir et jeta à la dérobée dans ce qu'elle rendit, une épingle tortue. Cette femme, cuidant l'avoir rendue, se sentit soudain déchargée de sa douleur. Je sais qu'un gentilhomme, ayant traité chez lui une bonne compagnie, se vanta trois ou quatre jours après, par manière de jeu, car il n'en était rien, de leur avoir fait manger un chat en pâte, de quoi une demoiselle de la troupe prit-elle horreur qu'en étant tombée, en un grand dévoiement d'estomac et fièvre, il fut impossible de la sauver. Les bêtes mêmes se voient comme nous, sujettes à la force de l'imagination. Témoins les chiens qui se laissent mourir de deuil de la perte de leur maître. Nous les voyons aussi japper et trémousser en songe, hennir les chevaux et se débattre. Mais tout ceci se peut rapporter à l'étroite couture de l'esprit et du corps s'entrecommuniquant leur fortune. C'est autre chose que l'imagination agisse quelquefois, non contre son corps seulement, mais contre le corps d'autrui. Et tout ainsi qu'un corps rejette son mal à son voisin, comme il se voit en la peste, en la vérole et au mal des yeux, qui se charge de l'un à l'autre, « Dum spectanto culi laesos, laeduncur et ipsi, multaque corporibus transitione nocent. » Pareillement, l'imagination ébranlée avec véhémence et lance des traits qui puissent offenser l'objet étranger. L'antiquité a tenu de certaines femmes en Scythie qu'animée et courroucée contre quelqu'un, elle le tuait du seul regard. Les tortues et les autruches couvent leurs œufs de la seule vue, signe qu'ils y ont quelque vertu éjaculatrice. Et quant aux sorciers, on les dit avoir des yeux offensifs et nuisants. Nescio quis teneros oculis mihi fascinat agnos. Ce sont pour moi mauvais répondants que magiciens. Tant il y a que nous voyons par expérience les femmes envoyées au corps des enfants, qu'elles portent au ventre, des marques de leur fantaisie, témoin celle qui engendra le mort. Et il fut présenté à Charleroi de Bohême et empereur une fille d'auprès de Pise, toute velue et hérissée, que sa mère disait avoir été ainsi conçue à cause d'une image de saint Jean-Baptiste pendue en son lit. Des animaux, il en est de même, témoins les brebis de Jacob et les perdrix et lièvres que la neige blanchit aux montagnes. On vit dernièrement chez moi un chat guettant un oiseau du haut d'un arbre, et s'étant fiché la vue ferme l'un contre l'autre, quelque espace de temps, l'oiseau s'être laissé choir comme mort entre les pattes du chat, ou enivré par sa propre imagination, ou attiré par quelque force attractive du chat. Ceux qui aiment la volerie ont ouï faire le conte du fauconnier, qui, arrêtant obstinément sa vue contre Milan en l'air, gageait de la seule force de sa vue le ramener contre bas, et le faisait à ce qu'on dit. Car les histoires que j'emprunte, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends. Les discours sont à moi et se tiennent par la preuve de la raison, non de l'expérience. Chacun t'y peut joindre ses exemples, et qui n'en a point qu'il ne laisse pas de croire qu'il en est assez, vu le nombre et variété des accidents. Si je ne comme bien qu'un autre comme pour moi, ou si en l'étude que je traite, de nos mœurs et mouvements, les témoignages fabuleux, pourvu qu'ils soient possibles, y servent comme les vrais. Advenu ou non advenu, à Rome ou à Paris, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité, duquel je suis utilement advisé par ce récit. Je le vois et en fais mon profit, également en nombre qu'en corps. Et aux diverses leçons, concevant les histoires, je prends à me servir de celle qui est la plus rare et mémorable. Il y a des auteurs desquels la fin, c'est dire les événements. La mienne, si j'y savais advenir, serait de dire ce qui peut advenir. Il est justement permis aux écoles de supposer des similitudes, quand ils n'en ont point. Je n'en fais pas ainsi pourtant, et surpasse de ce côté-là, en religion superstitieuse toutefois historiale. Aux exemples que je tire séant, de ce que j'ai lu, oui, fait ou dit, je m'en suis défendu d'oser altérer jusqu'aux plus légères et inutiles circonstances, ma conscience ne falsifie pas un iota. Mon inscience, je ne sais. Sur ce propos, j'entre parfois en pensée qu'il puisse assez bien convenir à un théologien, à un philosophe, et tel genre d'exquise et exacte conscience et prudence, d'écrire l'histoire. Comment peuvent-ils engager leur foi sur une foi populaire? Comment répondre à des pensées de personnes inconnues et donner pour argent comptant leurs conjectures? Des actions à divers membres qui se passent en leur présence, ils refuseraient d'en rendre témoignage, assermentés par un juge, et non homme si familier, des intentions duquel ils entreprennent de pleinement répondre. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes, d'autant que l'écrivain n'a à rendre compte que d'une vérité empruntée. Aucun me convient d'écrire les affaires de mon temps, estimant que je les vois d'une vue moins blessée de passion qu'un autre, et de plus près, pour l'accès que fortune m'a donné aux chefs de divers partis. Mais ils ne disent pas que pour la gloire de Salluste je n'en prendrai pas la peine, et ne m'y jurerai d'obligation, d'assiduité, de constance, qu'il n'est rien si contraire à mon style qu'une narration étendue. Je me recoupe si souvent à faute d'haleine. Je n'ai ni composition, ni explication qui vaille. Ignorant au-delà d'un enfant des phrases et vocables qui servent aux choses plus communes. Pourtant, ai-je prêt à dire ce que je sais dire, accommodant la matière à ma force. Si j'en prenais qui me guida, la mesure pourrait faillir à la sienne. Que ma liberté étant si libre, j'eusse publié des jugements, à mon gré même, et selon raison, illégitime et punissable. Plus tard, je nous dirai volontiers de ce qu'il en a fait, que c'est l'ouvrage d'autrui, que ses exemples soient en tout et partout véritables, qu'il soit utile à la postérité, et présenté d'un lustre qui nous éclaire à la vertu, que c'est son ouvrage. Il n'est pas dangereux, comme en une drogue médicinale, en un conte ancien, qu'il soit ainsi ou ainsi. Fin du chapitre 20.